بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ف aujourd'hui le 16 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici pour le deuxième cours de notre série de cours sur l'explication, le léger commentaire de cet épître, de cet imam, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, thalath masail, les trois sujets. À la fin de notre introduction, la semaine passée, notre introduction sur l'importance de cette épître, je vous avais promis que l'on ferait une brève explication du sens de Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, afin que vous puissiez l'expliquer à vos proches et autour de vous d'une manière simple et concise. Avant cela, ayyuhal ikhwa, cet imam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous étudions ses livres et il conviendrait de faire une biographie de ce dernier. Ceci est prévu, incha'Allah ta'ala, mais comme je l'ai dit à de maintes reprises précédemment, ce grand imam, comme autre que lui parmi les imams de la communauté, demande, lorsque l'on fait une biographie de ces derniers, rahimahumullah, de prendre le temps et de détailler ces biographies. Donc, je ne l'ai pas fait précédemment, hormis le fait de rappeler quelques passages de sa vie. Et, incha'Allah ta'ala, on fera une assise particulière. On prendra le temps pour étudier la biographie et la vie et l'œuvre de cet imam, incha'Allah ta'ala. Mais avant cela, quand est mort cet imam? La date de décès de cet imam, Fadal. 1206, Ahsant, Fadal. Jazakallah khair. Je l'ai répété à maintes reprises, ayyuhal ikhwa, apprendre les dates, apprendre l'histoire de manière générale et les dates importantes est quelque chose qui nous incombe. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, la parole de plusieurs parmi As-Salaf Ridwanallahi alayhim, parmi eux Sofiane Thawri, rahimahullah, où il disait « Lamma sta'amala ar-ruwatu al-kadhib, sta'amalna alayhim al-tarikh » Lorsque les rapporteurs de chaînes de transmission, les rapporteurs de hadith ont utilisé le mensonge, ont commencé à mentir, nous avons utilisé contre eux at-tarikh, c'est-à-dire l'histoire, la chronologie. Et je vous avais évoqué à plusieurs reprises plusieurs anecdotes qui illustrent cela. Est-ce que vous vous rappelez quelle anecdote j'ai rappelée, Hicham Tadda? Ahsant, barakallahu fik. Comme l'a dit votre frère Hicham, zallahu khairan. J'ai évoqué précédemment à plusieurs reprises, pour illustrer cela, l'anecdote de cette histoire qui est connue, que beaucoup de khutaba ont l'habitude d'évoquer sur le minbar. Bien sûr, c'est khutaba qu'on appelle le qussas, ceux qui ont l'habitude de conter des histoires. Mais les gens de la sunna, ceux qui sont minutieux dans les histoires et les narrations qu'ils rapportent, ne rapportent pas cette histoire, parce qu'ils savent que cette histoire est fausse. Cette histoire de l'imam Shafi'i avec l'imam Ahmed. Revenez à ces cours, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, je ne l'évoquerai pas ici. J'évoquais aussi une autre chose pour évoquer, pour illustrer, pardon, cette affaire. Bilal, Fadal. Ahsant, qui a menti sur lui? Balash, quel est ce mensonge? Yanni, ils avaient dit qu'il était à cet endroit-là, alors qu'il n'avait jamais fait de football dans cette mosquée-là. Ahsant, Salih. Hein? Ibn Battuta, Ahsant, et qu'est-ce qu'il avait dit sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah? Il avait dit qu'il était monté sur le minbar, il descendait, il avait dit que Allah avait ordonné, il descendait comme ça. Ahsant, Tafadalou les frères. Ce mensonge d'Ibn Battuta al-Rahal, qui est connu malheureusement, très connu malheureusement, et on fait ses éloges dans certains de nos pays, qui a menti sur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en disant que pendant l'un de ses nombreux voyages, il est passé dans la ville de Dimashq et il a vu une personne qu'on appelait Ahmad ibn Abdel Halim ibn Taymiyyah sur le minbar de telle mosquée faire le sermon et descendre des marches du minbar en disant « Allah descend au dernier tiers de la nuit comme je descends de ce minbar. » Subhanahu wa ta'ala. Et ceci sans aucun doute est un mensonge sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et parmi les choses qui nous montrent ce mensonge, le fait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'a jamais fait de sermon du Jumu'a de toute sa vie. Une autre chose, le fait que lors de cette année, où Ibn Battuta a prétendu avoir vu Cheikh al-Islam dire cela et être sur le minbar et dire cela et faire ce qu'il prétend qu'il l'a vu faire, cette année-là, il était emprisonné. Rahimahullah ta'ala. Donc nous voyons que l'importance de la chronologie, l'importance de l'histoire et des dates se retrouve même à un niveau méthodologique. Une dernière chose, et c'est pour cela que je l'ai évoqué encore une fois, concernant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ce grand imam, nous étudions ses livres, et beaucoup de gens sont ses détracteurs. Beaucoup de gens mentent sur lui et le critiquent. Et on aura l'occasion, incha'Allah ta'ala, de réfuter ses critiques et ses détracteurs. Incha'Allah azza wa jal. Mais en attendant, concernant la date de sa mort, 1206, il est très important de connaître cette date. Pourquoi ? Une histoire que je vais rapporter de manière concise. Certaines personnes, même parmi des gens de science, des gens qui s'apparentent à la science, ont pensé que certaines fatawas, certains avis religieux donnés par des grands savants de Al-Maghrib Al-Arabi, quand on dit Al-Maghrib Al-Arabi, c'est-à-dire tout ce qui englobe, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, par extension la Mauritanie, Al-Maghrib Al-Arabi, des grands savants, en particulier savants de l'école du Madhab Al-Maliki, pensaient, ou plutôt, comme j'ai dit, donc certains savants de ces contrées, et qui s'apparentent en particulier à ce Madhab, ont donné le fatwa depuis de nombreuses années sur le fait que Al-Wahhabiyya, il parle de ce terme Al-Wahhabiyya, le wahhabisme. Vous entendez parler de cela aujourd'hui. Nous trouvons dans des fatawas anciennes des réfutations Al-Wahhabiyya et des questions qui leur sont posées à ces grands savants sur la légitimité de la prière avec Al-Wahhabiyya dans leur mosquée. Comme par exemple une fatwa de ce grand imam Al-Lahmi qui est mort en 478 de l'Hégire. Sahib al-Tabsira Al-Lahmi, rahimahullah ta'ala, parmi les imams de Al-Malikiyya. Retenez bien cette date, en 478. Nous trouvons cette fatwa dans un livre qui est un recueil, une compilation de fatawa de savants malikites, en particulier de savants malikites de Al-Maghrib Al-Arabi, qui a été écrit par Al-Wansharisi, Ahmed ibn Yahya, qui est mort lui en, quelqu'un le sait, en 914. Retenez encore une fois cette date. Ce livre qui s'appelle Al-Mi'yar Al-Mu'rib de Ahmed ibn Yahya Al-Wansharisi. Al-Wansharisi qui vivait dans l'Algérie actuelle. Il est mort en 914. Il a un livre, un compilé de fatawa qui a été édité par Al-Awqaf Al-Maghribiya en 13 volumes. 13 gros volumes. Qui compile les fatawa des savants malikites, en particulier de Al-Maghrib Al-Arabi, jusqu'à son époque. Et donc il rapporte, entre autres, la fatwa de l'imam Al-Lahmi, qui est mort lui en quelle année ? 478, Ahsantum, qui est mort en 478, à propos de qui ? Ou à propos, ou dans cette fatwa, donc, où il lui a été posé la question sur la légitimité de la prière dans une mosquée de l'Wahhabiyya, des Wahhabites, où il dit qu'il ne faut pas prier avec eux, etc. etc. Donc la fatwa revenait à celle-ci. Quoi qu'il en soit, Ils ont utilisé le terme al-wahhabiyya. Et certains parmi les gens de la masse, comme les gens de science, parfois, qui n'ont aucune connaissance de la vie et de l'œuvre de cet imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, ont pu être trompés par cela, soit par ignorance, par manque de recherche, ou simplement en suivant leur passion, ou en suivant les ondits qu'ils ont hérités de leur père et de leur grand-père, ou qu'ils ont hérité de leur cher, qui étaient des détracteurs de cet imam, et ont hérité le fait que Al-Wahhabiyya, c'est une secte égarée, ce sont des gens de l'innovation, et nos savants, c'est ce qu'ils disent eux, nos savants, les imams de Al-Malikiyya, mettaient en garde contre Al-Wahhabiyya, et ils défendaient de prier avec eux. Pourquoi j'ai évoqué cette histoire, vous avez tous compris. Si on dit que Al-Wahhabiyya qui sont évoqués dans cette fatwa, qui a été donnée par cet imam Al-Lakhmi qui est mort en 478, rapporté par cette fatwa elle-même, rapportée par Al-Wanshari ici, Ahmed ibn Yahya qui est mort en 914, traite de ce soi-disant madhab, cette soi-disant doctrine, cette soi-disant idéologie qui serait nouvelle et qui a été rapportée par Muhammad ibn Abdul Wahhab, Al-Najdi Al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1206, est-ce que ceci tient debout? Est-ce que cette thèse, est-ce que ceci tient debout? Bien sûr que non. Pourquoi ou comment nous pouvons réfuter ceci? Par At-Tarih, par la chronologie, par les dates. Barakallahu fikum. Comme ceci a été fait par un savant qui s'appelle Muhammad Sa'd Al-Shuwayir, qui travaillait dans le bureau de l'Allama, l'imam Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est plutôt même celui qui a compilé les avis religieux, le fatawa de Sheikh Ibn Baz, dans un livre qu'il a écrit où il rapporte une anecdote où, en revenant de Mauritanie, rahimahullah ta'ala, il est passé par le Maroc. Il a fait une escale au Maroc, il s'est assis avec des savants du Maroc à cette époque-là, et cette affaire est venue des savants du Maroc. Et cette affaire est venue dans l'assise à propos de l'Wahhabiyya. Ces savants du Maroc à cette époque lui ont dit: Yachir, vous les Wahhabites, vous dites et vous faites, etc., etc. Et nos savants, les imams de Al-Malikiyya, ont défendu de prier avec vous, etc., etc. Et Cheikh a réfuté, dans une assise amicale et fraternelle, a réfuté cette parole qui a été rapportée par ces savants marocains, par cette chose que je vous ai rapporté ici. Il leur a demandé de ramener le livre Al-Mi'yar Al-Mu'rib, qui était sans aucun doute dans la maktaba, dans la bibliothèque de ce savant chez qui il était invité, puisque c'est un livre de référence dans la compilation des avis religieux de Al-Malikiyya. Rapporte-moi le volume 11. Nous ouvrons ce volume, nous regardons la fatwa de Al-Lakhmi à propos de qui il parle. En réalité, pour terminer cette anecdote, il parlait à cette époque de un groupe, une secte, qui est une faction de l'Ibadiyya. Al-Ibadiyya, qui est une faction de l'Khawarij, qui est connue et qui sont encore présents dans certains pays, comme en Tunisie, comme en Libye, comme en Algérie. On va aller un peu plus loin, on va citer même les endroits où ils se trouvent. En Tunisie, par exemple, ils sont connus dans l'île de Jarba. En Algérie, ils sont connus dans la ville de Ghardaya, dans le Sahara, et autre que cela. Donc faites bien attention, ce sont un groupe, une secte qui sont encore présents à l'Ibadiyya, qui font partie de Al-Khawarij. Et une faction de l'Ibadiyya qui était appelée Al-Wahhabiyya ou Al-Wahhabiyya, qui s'apparente à Abdurrahman ibn Abdul Wahhab ibn Rustum. Et donc, en annexion à son père, au nom de son père aussi, donc Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Abdul Wahhab ibn Rustum, donc on les appelait Al-Wahhabiyya ou Al-Wahhabiyya. Ceci pour l'anecdote. Barakallahu fikoum. Donc faites bien attention à ces dates et à la chronologie. Barakallahu fikoum. Ceci pour réfuter les détracteurs de ce grand imam, Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui n'est pas venu avec une religion nouvelle, mais plutôt qui est venu revivifier l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et au cramponnement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en particulier à une époque où beaucoup de gens étaient tombés, étaient revenus à l'adoration des idoles, comme ceci est rapporté de manière authentique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une partie de cette communauté reviendra à l'adoration des idoles. Barakallahu fikum. Et nous verrons cela un peu plus en détail dans une série, Inch'Allah ta'ala, de cours sur la réfutation ou les réfutations aux détracteurs de ce grand imam, Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Comme je l'ai dit, nous allons commencer. En réalité, je vous ai dit que ce livre, nous allons le terminer sûrement en 4 cours. Donc ici, on est au deuxième cours. En réalité, nous ne sommes pas pressés. Et Inch'Allah ta'ala, c'est un livre concis. Nous allons avancer rapidement dans ce livre. Mais le but, c'est de réviser les fondements de la foi, les fondements du tawhid, et aussi d'y apporter un complément. Quand j'ai dit un complément à ce que nous avons, bien sûr, pas un complément au tawhid ou à la religion d'Allah Ta'ala, car elle est parfaite et parachevée, mais un complément à ce que nous avons pu étudier précédemment lors de notre étude des livres de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, car il n'est pas de la sagesse de continuer à apprendre toujours les mêmes choses et les mêmes points. Bien sûr, nous les révisons et nous apportons à chaque fois un ajout afin que ceux qui ont assisté avec nous depuis le début puissent profiter de ces ajouts, car ceci fait partie, comme vous allez le voir dans le livre de Cheikh Abd Salam ibn Barjes, de la méthodologie dans l'apprentissage de la science, le fait de s'élever en degré, d'avancer par palier, de commencer par les bases et petit à petit de s'élever par palier. Nous avons dit que, j'avais évoqué la semaine passée que nous allions commencer le cours d'aujourd'hui par une brève explication du sens de Kalimat al-Tawhid, la ilaha illallah. Ceci en explication à la parole de Cheikh Rahimahullah ta'ala dans l'introduction à cet épître, où il dit, dans le sens de ses paroles, « Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre trois sujets. » D'apprendre trois sujets. L'apprentissage, la science, la connaissance de ces trois sujets. L'importance de la connaissance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » Demander, rechercher la science est une obligation pour tout musulman. Une obligation pour tout musulman. Et comme l'a dit Al-Fudayl ibn Riyad, rahimahullah ta'ala, kullu ma kana alayka fard, fa ta'allumuhu alayka fard. Toute chose qui est pour toi une obligation, l'apprentissage de cette chose est elle-même une obligation. Comme le dit l'imam Al-Bukhari, comme vous le savez tous, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre de la science avant la parole et les actes. Concernant Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, Kalimat al-Taqwa, La ilaha illallah, qui est l'attestation de foi par laquelle une personne rentre en islam, qui est le premier des piliers de l'islam, ou qui fait partie d'une des deux attestations de foi du premier des piliers de l'islam, cette parole de Tawhid que nous allons apprendre et détailler dans l'explication de ce livre, car en réalité, comme je l'ai dit précédemment, ces trois sujets qui ont été évoqués par Cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre ne sont qu'une explication approfondie de l'islam. Et la base de l'islam est bien ces deux attestations de foi. La ilaha illallah. Vous trouverez que dans des livres traduits ou des livres écrits, en particulier il y a de cela quelques années, ce terme, cette phrase, cette attestation de foi sera traduite par « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Il n'y a d'autre Dieu en dehors de Dieu. Il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah. Quelle que soit la traduction qui a été faite, lorsqu'elle va dans ce sens, c'est une traduction qui est erronée. C'est un sens qui est erroné. Car comme nous l'avons vu précédemment, comme vous le savez, je pense, en tout cas pour la plupart d'entre vous, le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est le sens exact de la ilaha illallah. Premièrement, ayol ikhwa, nous voyons dans ce hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, al khalifatul rashid, qui se trouve dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. » Celui qui meurt tout en sachant, « wa huwa ya'lam » tout en sachant qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, rentrera au paradis, dans le sens approximatif de ces paroles. Nous voyons ici dans ce hadith l'importance de la science, la connaissance de cette parole. Man mata wa huwa ya'lamu, celui qui meurt est tout en sachant. Donc il nous convient sans aucun doute d'apprendre le sens de cette attestation, d'avoir la connaissance, d'acquérir la science de cette attestation. Il ne suffit pas de prononcer cette parole tout en étant ignorant de son sens et de sa portée et de ce qu'elle implique. Car en réalité, cette parole implique des œuvres et des actions. Ceci, ce hadith, comme preuve à l'importance et l'obligation même de l'apprentissage du sens de cette parole. Ensuite, ayyuhal ikhwa, lorsqu'une personne, comme je vous l'ai dit la semaine passée, tu cherches à lui expliquer le sens de la ilaha illallah parmi les gens de la masse, parmi tes voisins, parmi tes proches, parmi tes parents, parmi tes frères et sœurs, tes enfants et autres. Lorsque tu leur dis, pour beaucoup d'entre eux, la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqin illallah. Qu'il soit arabophone ou non, il va s'étonner, s'exclamer, s'interpeller. Comment tu me dis que la ilaha illallah, que nous apprenons comme cela, que nous attestons de cette manière-là, al-mu'adhdhin dit, lorsqu'il appelle à la prière, ashhadu an la ilaha illallah, il ne dit pas ashhadu annahu la ma'bouda bihaqin illallah. Comment donc tu me dis que cette parole, la ilaha illallah, en réalité elle veut dire la ma'bouda bihaqin illallah? Pour lui expliquer, il te conviendra de suivre une certaine méthodologie simple et concise. J'ai déjà expliqué cela précédemment. Je le réexplique ici, car il y a, incha'Allah ta'ala, un profit. Comme je l'ai dit vendredi, après la khutbah, si vous étiez, pour ceux qui étaient présents bien sûr, pour ceux qui ne l'étaient pas, je le répète ici, malheureusement beaucoup de gens parmi les musulmans sont ignorants du sens de la ilaha illallah. C'est une réalité. L'ignorance est une chose qui est répandue. Et le premier pas vers la guérison, car en réalité l'ignorance est un mal, un mot, une maladie, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jahl da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan ila akhir maqal. La l'ignorance et le jahl, c'est une maladie. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître cette maladie, de savoir que nous sommes ignorants. À partir de là, nous pourrons avancer. L'ignorance est une chose qui est répandue et il est important de reconnaître que dans notre communauté, beaucoup de gens sont ignorants au point que l'ignorance de At-Tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, a atteint un degré très élevé. Ce degré qui fait que certaines personnes de cette communauté sont plus ignorants du sens de La ilaha illallah que l'étaient les associateurs à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux en leur disant Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez ainsi, ils répondaient Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il faire de nos divinités une seule divinité? Va-t-il faire de nos divinités une seule divinité? Ceci est certes une chose très étonnante. Ils avaient compris le sens de la ilaha illallah lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait simplement dites la ilaha illallah. Ils avaient compris que la ilaha illallah était la ma'bouda bihaqin illallah. Venons à l'explication. Al-ilah, la première chose qu'il te convient de définir, c'est le terme al-ilah. Tu dis la ilaha. Comme vous le savez, premièrement, ce terme, cette shahada, est composée de deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation, la ilaha. Donc, point de divinité. Point de divinité. El ilah. C'est, en arabe, ça désigne la divinité. Du terme alaha. qui veut dire abada, alaha, qui veut dire adorer. Donc la divinité, l'être adoré. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Ceci est compris jusqu'à présent. Regardons autour de nous. Est-ce que réellement, autour de nous, nous voyons qu'il n'y a aucune divinité? En regardant autour de nous, nous constatons un grand nombre de divinités. Peut-être certains d'entre vous s'étonnent. Je pose la question. Est-ce que des pierres peuvent être des divinités? Qui d'entre vous pense qu'une pierre ne peut pas être une divinité? Inch'Allah. Une pierre peut être une divinité. Un arbre peut être une divinité. Une personne peut être une divinité. Comment cela? À partir du moment où quelqu'un a divinisé cette chose, elle devient une divinité. Pas parce qu'elle est une divinité en droit, mais parce que quelqu'un l'a divinisé, quelqu'un l'a prise pour divinité. Donc lorsque l'on dit « point de divinité en dehors d'Allah », si nous traduisons « kalimat al-tawhid » comme elle était traduite par le passé ou comme elle est encore traduite chez certaines personnes qui ne comprennent pas la réalité du sens de cette attestation, « point de divinité en dehors d'Allah », nous disons que cette traduction est erronée, ce sens est erroné. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de divinités en dehors d'Allah. Sah ? Isa alayhi salam est une divinité. Certaines vaches, certains rats, certains animaux, certaines plantes sont des divinités chez certaines personnes, car ils les ont prises pour divinités. Est-ce que lorsque nous disons que ces choses sont des divinités, nous voulons dire par cela que ce sont des divinités en droit? Non, il n'y a pas d'obligation en fait de penser cela. Lorsque nous disons que telle chose est une divinité, cela ne veut pas dire que nous reconnaissons la légitimité de l'adoration pour cette chose-là. Simplement, nous jugeons cette chose par rapport à ce qu'elle est réellement. Elle a été divinisée par certaines personnes, c'est donc une divinité. Donc, il nous convient de trouver le sens. Bien sûr, ce n'est pas à nous de chercher le sens de la ilaha illallah. Ce sens est clair, est compris dans la langue arabe. Et les savants, lorsqu'ils nous l'expliquent, ils nous l'expliquent selon ce qui est compris dans la langue arabe. Mais ici, lorsque tu parles à une personne, parmi les gens de la masse, une personne lambda qui peut-être ne comprendrait pas ces choses-là, tu dois lui apporter les choses de cette manière-là. Tu lui dis donc, s'il y a beaucoup de divinités, il n'est pas correct de dire point de divinité en dehors d'Allah. Donc que veut dire en réalité donc cette parole de tawhid, cette parole d'unicité, la ilaha illallah? Nous disons donc que la réalité de cette parole est la ma'bouda bihaqqin illallah. Premièrement, nous savons cela de par certains versets du livre d'Allah, comme par exemple sa parole, Tabaraka wa ta'ala, Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, wa ma tad'oun min dounihi huwa al-batil, wa ma tad'oun aw ma yad'oun. Hein? Wa ma tad'oun min dounihi huwa al-batil aw ma yad'oun. L'homme est sahih, kif. Les deux, ils sont possibles. Kif. Ishrah. Wa ma yad'oun. Ish andakum, tafaddal. MashaAllah. Jayid. Hein? Fassil. Tafaddal. Fassil. Ahsant. Akhadt al-kitab ana. Dans la version de Hafs, وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et dans la version de Warsh, وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Comme l'a dit votre frère Zallahu Khiran, donnez-lui un livre. وَمَا يَدْعُونَ, c'est une information, ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. وَمَا تَدْعُونَ, ce que vous invoquez en dehors d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dans le sens de ces paroles donc, Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, تَبَارَكَ وَتَعَالَى, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. C'est-à-dire que ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ou ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux associateurs, dans la version de dans la narration de Warsh et de Qalun, selon Nafi', wa ma tad'una min dunihi wal batil, ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est-à-dire ceci, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est-à-dire c'est lui la vraie divinité, la divinité digne d'adoration, celle qui est adorée en droit, tabaraka wa ta'ala, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, c'est-à-dire ce qu'ils invoquent faussement, ce qui sont des fausses divinités qui n'ont pas le droit à l'adoration, comme le dit les gens du tafsir, parmi l'imam al-Qurtubi et autres, rahimahumullah. Nous voyons clairement donc cette information ici, nous voyons que Allah Azza wa Jalla a dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Lorsque l'on dit لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله, nous voyons ici cette information, nous la prenons de ce verset comme d'autres versets du livre d'Allah Azza wa Jalla. Ici la preuve de ce que nous avons avancé. Et une dernière chose, afin d'expliquer donc à celui à qui tu chercherais à expliquer cette parole, lorsqu'il te demandera, mais pourquoi donc nous disons « La ilaha illallah » et nous ne disons pas, ou nous ne prononçons pas « La ma'bouda bihaqin illallah » La ma'boud, comme vous l'avez compris, el ma'boud c'est l'ilah, celui qui est adoré en arabe, el ma'boud, celui qui est adoré, l'ilah c'est celui qui est adoré. Ici, je parle de l'information bihaq. Pourquoi nous prononçons donc bihaq alors que nous avons l'habitude de dire la ilaha illallah? Pourquoi alors donc bihaq? D'où est-ce qu'elle est venue? Nous savons d'où elle est venue, de ces versets du livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Mais pourquoi elle n'est pas évoquée à la base? Pourquoi nous n'avons pas cette information bihaq? Pourquoi? Faddal. Là. Faddal. جيد تفضل احسنت ici une règle dans la langue arabe que les arabophones ou ceux qui étudient l'arabe pourront comprendre, mais quoi qu'il en soit il vous convient d'apprendre une partie de cette chose là pour pouvoir l'inculquer aux gens, pour pouvoir les prévenir et leur enseigner ce que nous sommes en train d'étudier ici. La ilaha, ce terme là, cette négation là, point, pas de divinité là, on appelle ça, comme l'a dit votre frère, jazakallahu khairan, la an-nafi'a lil jins. C'est-à-dire la négation pour l'ensemble de ce que l'on veut nier. Lorsque nous disons la ilaha, l'ensemble des divinités, donc ce qui est nié ici, ce sont les divinités, pas de divinités. L'ensemble des divinités est nié. Si nous disons la ilaha illallah, ça voudrait dire qu'on nie l'ensemble des divinités. Mais est-ce qu'on nie la présence de ces divinités ou le mérite de l'adoration pour ces divinités? Sans aucun doute, le mérite de l'adoration, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, il convient de rechercher l'information. Où est cette information? Cette information a été effacée. Pourquoi elle a été effacée? Parce que il est connu dans la langue des Arabes que lorsque l'information dans cette règle, la règle de la nafi al jins, le khabar, l'information de la, allati li nafi al jins, lorsqu'elle est connue de tous, elle est effacée. Comme le dit Ibn Malik, rahimahullah ta'ala, dans son poème Al-Alfiya, son poème de 1000 vers sur An-Nahw wa As-Sarf, il dit wa sha'a fi dhalba bisqatu al-khabar idha al-murad ma' suqutihi dhahar. Lorsque l'information est connue chez les Arabes, l'information de la nafi al-jins, elle est effacée. Il ne fait pas partie de la bonne parole dans la langue arabe littéraire, de rappeler cette information, car elle est connue de tous. Plutôt, on devra l'effacer. C'est pour cela que on dit la ilaha illallah, mais ceci est connu de l'ensemble des personnes qui comprennent la langue arabe et qui comprennent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une méthodologie ici pour expliquer ce terme la ilaha illallah. Donc, premièrement, il te convient, il t'est même obligatoire d'avoir la science du sens de cette parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah rentrera au paradis. Donc la connaissance, la science est une obligation pour toi. Deuxième chose, les divinités. Qu'est-ce qu'une divinité? Une divinité est toute chose qui est adorée, que ce soit en droit ou sans droit. Troisième chose, est-ce qu'il est correct de dire donc qu'il n'y a aucune divinité? Ceci n'est pas correct, car nous voyons qu'il y a un grand nombre de divinités qui est adorée en dehors d'Allah, que ce soit en droit, sans aucun doute ce n'est pas en droit, hormis la divinité vraie, Allah tabaraka wa ta'ala, ou de non-droit. Ces choses s'appellent des divinités. Troisième chose, comment nous arrivons à la conclusion de ce terme bihaq, ou c'est-à-dire le mérite de l'adoration, si ce n'est pour Allah tabaraka wa ta'ala, par ce verset que j'ai évoqué, ce verset de surat al-Hajj, ce même verset au proche de celui-ci de surat al-Luqman et autres, parmi les preuves du Coran de la Sunna qui nous montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est la seule divinité digne d'adoration tabaraka wa ta'ala. C'est clair ? Hafidhakumullah. Je me contenterai donc de cette explication pour le cours d'aujourd'hui. Barakallahu fikoum. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cela ? Est-ce que pour quelqu'un ce n'était pas clair ? N'hésitez pas. C'est quelque chose d'une importance capitale. Si on fait un cours uniquement sur l'explication de la ilaha illallah, même si ceci était compris pour l'ensemble d'entre vous, que la ilaha illallah veut dire la ma'bouda bihaqin illallah, mais comment en est-on arrivé là? Et comment tu peux l'expliquer de manière concise à quelqu'un? Ceci est quelque chose de très important. Reprends s'il te plaît, la troisième Youssouf, c'est bon? La troisième, concernant le terme bihaq. Donc, le premier point, la science, l'obligation d'avoir la science de cette parole, d'avoir la connaissance de cette parole. La ilaha illallah. Le deuxième point, le fait que le terme ilah désigne les divinités. Nous ne pouvons nier l'existence des divinités, donc la chose qui sera niée sera autre que l'existence. Quelle est cette chose qui sera niée? Ce sera le mérite à l'adoration pour ces divinités-là. D'où notre parole, la ma'bouda bihaq, point de divinité digne d'adoration, en droit d'être adoré. Donc ce terme, en droit d'être adoré, qui est le troisième point évoqué par votre frère ici, Youssouf, à propos duquel il demande un éclaircissement. Ce troisième point, comment en est-on arrivé là dans l'explication du terme la ilaha illallah par ces versets que nous avons évoqués, comme par exemple le verset de sourate al-Hajj, ذلك بأن الله هو الحق وما تدعون من دونه الباطل وما يدعون من دونه هو الباطل, dans le verset de sourate al-Hajj. Ici, le terme qui a été utilisé par Allah tabaraka wa ta'ala, ذلك بأن الله هو الحق. Ici, ce terme بحق ou haq a été utilisé par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Donc c'est ce terme que nous utilisons ici. Nous prenons du Coran, de la Sunna, et ceci est la voix des gens de la Sunna, c'est-à-dire qu'ils prennent leur religion du livre d'Allah et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce troisième point donc, bihaq. Comment on en est arrivé à cette information? Le quatrième point, et comment on en est arrivé là dans la langue arabe, car l'outil qui est utilisé ici, l'outil de négation qui est utilisé ici, point de divinité, la ilaha, est appelé en arabe la an-nafiya lil-jins. Cet outil-là est pour la négation de l'ensemble de ce qui est nié, de l'ensemble de ce qui est nié. Donc ici, l'ensemble des divinités est nié. Mais est-ce que l'ensemble de ce qui est nié, on n'a pas l'information ici de ce qui est nié, l'ensemble des divinités, puisque ce n'est pas l'existence de ces divinités comme nous le voyons, il y a de nombreuses divinités. Qu'est-ce qui est nié? Quelle est l'information qui est niée? Ce n'est pas l'existence, c'est donc le mérite à l'adoration, comme nous l'avons vu dans ce verset. Et il est de fait, dans la langue des Arabes, que lorsque l'information de cet outil-là, an-nafiya lil-jins, est connue de tous, elle est effacée. Elle n'est jamais évoquée. Comme l'a dit Ibn Malik, comme je l'ai évoqué, « Wa sha'a fi dhalba bisqatul khabar » إذا المراد مع سقوط مع سقوطه ظهر. بارك الله فيكم. واضح؟ Je me suis un petit peu, j'ai expliqué un peu plus en détail, mais si vous revenez à ces quatre points que je viens de rapporter ici, ce sera une facilité pour vous pour expliquer. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.